Bonjour. Donc, on est en petit cercle aujourd'hui pour parler avec Rida Tlili. Alors, Rida est quelqu'un de, enfin, d'assez merveilleux. Enfin, c'est d'une je ne sais pas comment dire, si je dis d'une gentillesse, ça a l'air d'être minorant, etc. D'une générosité évidente. On le voit dans son film, d'une disponibilité. D'une attention aux autres. Enfin bon, il est venu à APT en 2011 pour présenter Révolution moins 5, c'est ça le titre? Oui. Et tu es revenu pour un atelier avec des jeunes. Avec les jeunes. En quelle année? 2013. Et c'était quoi? Parce que moi j'oublie tout. Hein. Ben, c'était un atelier moi j'ai fait c'était un atelier de vidéo. Il y avait avec moi un jeune qui fait graffiti. Ah oui, ouais. C'était Oui, ah oui, tout à fait. Un jeune de la Révolution aussi. Oui, c'était Oui, l'un des protagonistes. d'accord. Et ensuite, donc en 2013, d'ailleurs aussi, c'est ça, il s'est organisé pour nous faire inviter par les JCC pour une section de cinéma alternatif qui a vécu peu de temps, parce que les JCC, ce n'est pas totalement leur tasse de thé. Hein. Alors, justement, le cinéma que tu fais n'est pas la tasse de thé des institutions, des circuits de diffusion, etc. Tu as eu ta formation en Tunisie de cinéaste. Tu as fait deux écoles ou bien c'est l'ISMA? C'est deux écoles étatiques de cinéma, c'est l'ESAC et Bien, l'ESAM. C'est deux cycles. oui. Même, enfin, qui sont, c'est normal de faire les deux cycles, d'accord, les deux, la suite. Oui, c'était. J'avais dans la tête de faire un. J'avais dans la tête de travailler dans l'université, de faire doctorat, et au bout d'un moment, j'ai dit ça marche pas. Moi, je dois me consacrer à des choses professionnelles, et donc j'ai. D'accord. Et donc, tu as commencé à faire des films. Avant Révolution moins 5, tu as fait des courts-métrages, évidemment, qui sont tous dans un esprit également, comment dire, de liberté de film, enfin lui-même, le film, en soi, a une certaine liberté par rapport à des contraintes classiques de forme ou de. Non, tes courts-métrages, c'était expérimental. Il y avait tout, mais quand on a commencé de faire des petits films, c'était 2006, on était tous des. Il y avait un groupe des étudiants et on n'avait pas l'accès à la. Ça veut dire, nous, il y avait des commissions qui donnent des subventions et il n'y avait pas l'accès, on n'a même pas le droit de déposer des dossiers pour la commission. Et donc on a dit, on va faire ensemble. On travaille ensemble. Et là, il y avait moi, il y avait Aladdin Slim, il y avait Abdallah, c'est tous des un peu La même jeunesse. génération, ouais. Et donc, on a commencé à faire des films ensemble. Alain, il m'a produit le film, moi, j'étais assistant sur son film. Avec Abdallah, on a fait un autre court-métrage. L'idée, c'était il y avait le numérique à l'époque, on commence avec des petites caméras vidéo. C'était 2005. Et donc là, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et c'était des fictions, j'ai fait des films expérimentaux et j'ai fait des films d'essai. J'essaie toujours de comprendre comment ça marche. Il y avait D'accord. même des courts-métrages où je n'aimais pas mon nom, j'aimais un pseudo. D'accord. Parce que les premiers films que j'ai faits, c'était des films où j'avais pas autorisation. Au bout d'un moment, il y avait quand même. J'ai dit, OK, je vais pas mettre mon nom, je mets un pseudo, Ayen Ken. Ayen Ken en arabe, ça veut dire voilà, Quel qu'il soit. quel qu'il soit. Qu'il se soit. Qu'il se soit. Et j'ai fait deux courts-métrages comme ça, et il y avait même des gens qui. Donc les films, ils ont passé, mais moi, je. Beaucoup de gens ne savent pas qui c'est qui Ayen Ken. Qui que ce soit. Qui que c'est. Oui, c'était un film bah, s'appelle Babor et un autre film c'est Terrier. Et ils ont même été montrés en Europe. Tu n'as pas pu aller suivre. Non, j'avais pas l'intention de sortir à D'accord. l'époque. J'avais même pas passeport. Donc moi j'y vais. C'est à partir de quand j'ai fait en 2011 j'ai fait le documentaire. C'est là où j'ai. T'as signé. Et t'es sorti. D'accord. Oui, Révolution moins Non, d'ailleurs, 5. j'avais pas de problème, mais c'était tout un univers quoi, où je vis, j'avais toute une façon de voir les choses qui était différente après. C'est comme si ce qui s'est passé, il m'a aussi libéré de beaucoup de pensées, d'un autre pensée. Ça veut dire, il y avait beaucoup de contrôle. Moi, c'était mon thème, c'était le contrôle qui existait. Ouais. Donc, Ayen Ken, même les autres films, ils parlent de ça, de ce contrôle de pensée, de ce Big Brother qui existe, qu'on le sent autour de nous, mais en même temps, on se sent contrôlé. Même les films que j'ai faits, c'était ça. Il y avait un film, un cours, c'était un jeune. Il découvre qu'il est, on l'arrête, les policiers l'arrêtent, et on découvre qu'il est mort selon les papiers de l'état civil, il est mort. Alors que lui, il est vivant, il rentre dans il y avait beaucoup d'interrogatoires. Et au bout d'un moment, lui-même, il se doute s'il existe ou pas. Et donc, tout le D'accord, monde, les policiers, ils se doutent s'il est vivant, et lui aussi. Donc, on rentre dans ce cercle de vide, d'absurde. les kafkaïens, pour Voilà, dire les voilà. choses. Ouais, d'accord. Et bon, c'est. Je regrette qu'une amie qui était à la maison et qui a fait tous les films et qui intervient, qui intervient brillamment en général. Elle avait une amie, enfin c'est son amie, qui était prof de beaux-arts, mais qui travaillait sur le numérique, et qui a fait beaucoup de travaux, des petits films et tout ça, sur cette question que tu évoques. Et il y a eu une rencontre au MUCEM pendant 3 jours sur toutes les productions, le travail et les idées de Nathalie. Et donc, elle aurait été contente d'être là pour en discuter avec toi. Pas Nathalie, évidemment, qui est partie, mais Rennes. Parenthèse fermée. Et on en vient alors à Fort Gothel. J'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, parce que moi, je ne sais aucune langue étrangère. Donc, ça veut dire oublier. Et le titre tunisien, c'est ça. Oui, d'accord. Alors. Avant de rentrer dans le film, je vais tout de même encore parler de moi. Parce que justement, ce mot oublié me fait penser au festival de Erla, qui en 2011 s'était délocalisé à Téhéla. Alors j'oublie son nom, notre ami. Voilà. M'avait invité, et il avait invité également Boudjema Karesh. Et d'ailleurs, c'est à cette rencontre que je dois d'avoir que Boudjema a fait éditer mes souvenirs de militants contre la guerre d'Algérie par un éditeur algérien. Et parce que j'avais un peu le manuscrit qui n'était pas destiné à l'édition. Et donc, on était à Téhéla, qui était une des villes martyres, où il y a eu au moins 12 jeunes qui ont été assassinés par la gendarmerie et la police. Et donc c'était une ville oubliée aussi, c'était une région complètement oubliée, à 15 km de la frontière algérienne, et où les terrains, toute une partie des terrains appartenaient à quelqu'un de la famille de Ben Ali. Et les jeunes, c'était ça, enfin pour les gens c'était ça le premier sujet, quoi, c'est qu'ils étaient oubliés. Et ce que j'ai lu et ce que raconte ton film notamment, et beaucoup d'autres choses, c'est que toutes ces régions marginales sont toujours oubliées. Et donc c'est ça le point de départ du film, où le point de départ, c'est les activistes, enfin les militants. Les militants, est-ce qu'on peut les appeler des militants? Puisque c'est pas des militants au sens que ce sont pas organisés pour une action de caractère politique ou sociétal, mais ce sont des individualités. forte d'ailleurs, formidable. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec eux pour ce film? D'abord, c'est la région de Tell, c'est proche de c'est des Bouzid, Ouais, c'est un peu au nord. c'est le Gasserine, c'est des Bouzid, c'est les villes, ça c'est entre il y a 40 km, yani, Ouais. et ça c'est une et tout et nous, ça veut dire en Tunisie il y a ça, c'est un pouvoir central où il y a des régions là plus que la moitié du pays ils sont un peu en retard par rapport au À la côte est. voilà, par rapport à deux, trois villes, on va dire. Et donc, c'est tout un système de gouvernance qui, au bout d'un moment, qui ne marche pas. Ça veut dire, il y a beaucoup de voix qui disent, ça veut dire, on a un seul pays, mais partager le pouvoir, il faut partager aussi le pouvoir, il faut partager les biens. Ça veut dire, il y a des ressources naturelles qui existent, par exemple, la gavsa phosphate, toutes les choses, yani, les ressources naturelles sont au sud. Le pétrole, et avec ça, les gens, ils sont dans. C'est-à-dire, la situation des gens, elle n'est pas bonne. Et donc, il y a ça dans le background de la région. Mais moi, je ne m'attaque pas à ça directement. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là qui sont en doute. Ce n'est pas des gens qui ont des confirmations. Même ceux qui militent, là, il y a deux personnes dans le film qui sont engagés politiquement dans des partis, mais même eux, ils sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ça veut dire, tu vois, des fois, ils se doutent de ce qu'ils font, de où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il y a Chef et Abdelhak, l'autre protagoniste, ils n'ont pas d'engagement politique. C'était des jeunes. Là, ils s'engagent juste parce que il fait des chansons. C'était un chanteur de rap. Et quand il y avait la révolution, il s'engage, il commence à chanter à Kasba. Et donc, comme son père, il était déjà un militaire, il a travaillé pendant 36 ans dans l'armée, donc il a appris toutes les chansons de l'armée. Et une fois, il était à Kasba, il Casbah, commence. alors c'est la place au-dessus de la Médina de Tunis où il y a tous les Gouvernement. institutions Il d'État, y a le gouvernement, le c'est ça, la place gouvernement, de la. etc. Et c'est là où, après la Révolution, lorsqu'il y a eu un premier gouvernement ou même un deuxième, je ne sais plus, et parce qu'il y a eu Casbah 1 et Casbah 2, Ouais. et donc les gens sont venus, et notamment sont venus de ces régions, pour protester en disant, et la Révolution, alors c'est quoi? Et voilà, excuse-moi, je Ouais, t'ai. ça c'est important le Contexte. contexte politique. Et donc lui, il était avec les avec d'autres personnes. Et comme ils ont besoin de chansons, et lui, il a commencé il avait la mélodie, les mélodies de l'armée. Il a changé juste les paroles. Et il a commencé à changer les paroles et à chanter ça. Et donc, il y avait même une chanson, il y avait beaucoup de chansons qui sont connues. Et donc, lui, c'était comme le premier qui a chanté des chansons qui sont connues. Et à cause de ça, à cause de ça, une fois, il retourne dans la Sidi Bouzid, il a eu des procès. Hein, parce que malfaiteur, tu vois. Il a eu beaucoup de procès. Malfaiteur, Il a été attaqué. voilà. Il a été attaqué. Donc jusqu'à maintenant, il a tout le temps des procès. Alors, c'est Comme celui qui a les chanteur. cheveux dégarnis. Non, c'est celui qui a les cheveux comme ça. Qui chante. Qui chante. Parce qu'il y en Il a chante. plusieurs qui chantent. Ouais. Non, c'est lui qui est avec son père quand il dit c'est mieux si t'as mis le drapeau d'Amérique sur la porte. Ouais. Comme ça, s'il touche, les marines ils vont venir. Toute cette loyauté, qu'est-ce qu'ils t'ont donné en contrepartie? Là, il montre les médailles. Parce que Ouais, son père, je suis il a eu d'accord. toutes les médailles. D'accord. Ah C'est oui, ces c'est. jeunes-là qui veulent toujours, tout le temps, quitter le pays, qui pensent que les musulmans, ils sont J'avais pas mieux compris en que c'était son Allemagne. père, voilà, c'est ça. Ah oui. Ouais, Qui est très vieux. Enfin, en tout cas, très fatigué. Enfin. Ouais. 35 ans de militaire, ça, bon, ça arrange pas les gens. Excuse-moi, là, je t'ai coupé. Et alors. C'est donc parce que finalement tu parles de ces jeunes, mais tu dis pas comment et pourquoi tu es allé dans le village pour et comment tu t'es mis d'accord sur la manière de filmer. Enfin, comment ça s'est passé, quoi? Moi, là, c'est dans la ville, c'est là où j'ai Oui, je dis fait village, je m'excuse. mes. C'est une ville où il y a 40 000 habitants. Ah oui, c'est une grande ville. Et donc, moi, je suis né dans la périphérie de cette ville, dans les Ah, montagnes. d'accord, ouais. Et j'ai fait mes études là-bas, et là, il y a mes parents qui habitent là-bas. Mais une fois j'ai eu mon bac, j'ai quitté la ville, je me suis installé à Tunis. Moi, je rentre de temps à autre pour voir la famille, mais je passe tout mon temps à Tunis. Et il y avait un moment, 2011-2012, cette ville, il y avait un monsieur, il y avait beaucoup la montée de salafistes, radicalisme et tout. Et c'est là où il y avait le chef, en fait, le chef des salafistes. C'est le chef spirituel, on peut dire, qui est là. Et je rentre une fois, je vois qu'il y a. La ville, c'est beaucoup changé. On a l'impression, au bout d'un mois, j'ai l'impression que c'est comme dans les films que je vois sur Afghanistan. Tu vois. C'était quand même pour moi remarquable. Enfin, remarquable, oui, au sens. Non, mais il y avait ça à Tunis, mais là, c'était vraiment remarquable. C'était quelque chose de. Les Il y avait tenues, les femmes. non, il y avait pas question de femmes, mais il y avait aussi des gens qui viennent de partout, Ouais. des salafistes, pour juste pour la Cette prière. Ils prière voient de individuelle. 400 km pour assister à la prière de vendredi. Et là, le vendredi, tu vois, il y a des gens qui viennent de partout, avec des habits, avec des. C'était quand même, Oui, comme je dis, impressionnant. c'était Puisque remarquable, il ça. a, il a même fait une école de charia, ce monsieur. Il a construit toute une Tu mosquée. parles de Sidi Bouzid même, ou là c'est Ali Benoun. Benoun. Sidi Ali Benoun. Ah. Voilà. Oui, Il y parle de avait sa Sidi ville, Ali oui. Benoun à côté. Parce qu'il y avait le Mounabber de la Salafia, c'était Et alors, bon, ça fait un choc. Non, mais moi j'ai dit, ok, en tant que cinéaste, j'ai dit, je vais suivre quand même ce qui se passe, je veux comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce montée de salafistes, tout à Tunis. Et ils étaient beaucoup à Tunis, Nahda a été au pouvoir. Donc j'ai dit, bon, c'est peut-être là que je reste chez ma famille. Quand même, il n'y avait pas l'accès à tout le monde d'être dans cette ville. Parce qu'il n'y avait pas de police, c'était eux qui gèrent tout. Et moi, j'avais ma famille, donc j'avais quand même la possibilité de rester tranquille dans la ville. J'étais là, je reste quelques mois. Après, je prends la caméra, je demande à personne l'autorisation, de toute façon. Je prends la caméra, je dis, je dois faire des images. Et je commence à filmer. Et là, comme c'était les gens où j'avais plus l'accès facile, c'était ces gens qui font de la. Chef, et vous je dis, l'un il fait théâtre, l'autre il est rappeur. Donc c'était plus facile d'être avec eux. Je prends la caméra et je dis, ok, je commence à prendre des vidéos de la vie ordinaire. Et j'ai fait ça pendant une année. Je n'avais pas l'intention de faire un film, c'était juste l'intention de comprendre. Je filme, je fais des interviews. Des fois il y a des gens, des salafistes. Je filme des choses que je n'ai pas mis dans le film. Ouais. Après une année, j'ai dit, ok, je peux faire quelque chose avec ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à Avec penser ces jeunes. avec ces jeunes. Ouais. Parce que ces gens-là, ce n'étaient pas les salafistes. Non, Non. tout ce que j'ai filmé avec de la ville, je l'ai pas mis. Même dans le film, on voit pas la ville. Non. À aucun moment, on voit la ville. C'est comme si ça peut exister dans n'importe quelle autre. Ville dans le pays, c'était ça le concept. Et donc c'est un peu le film, il est né un an après au début c'était des images personnelles, juste. Et alors, est-ce que la question de la pièce de théâtre, c'est le point pas central? Parce qu'on ne peut pas dire que quelque chose est central dans le film. C'est un film qui est décentré, enfin, qui n'est pas centralisé sur une narration ou sur. Mais est-ce que cette pièce, tu vas peut-être en dire un peu, qui raconte l'histoire de la Révolution et de l'après-Révolution, hein, enfin raconte, en tout cas. Et c'était ça qui était un peu le point d'accrochage, ou bien finalement, comme tu filmais un peu tout ce qui se passait, elle est venue Comment alors, c'est difficile parce que ça va être un débat de savoir comment ton film est construit. Hein. C'est-à-dire que est-ce qu'il est construit ou est-ce qu'il est ouvert complètement et toujours possiblement pouvant se évoluer autrement suivant les personnes, etc. Donc quel est un peu le l'axe un petit peu en dehors de donner la de rendre la vitalité et le désordre même de ces jeunes et leur énergie de protestation je dirais presque impuissante, enfin, en tout cas, elle apparaît comme telle. Est-ce qu'il y a un axe central dans, qui fait un récit tout de même, qui construit un peu le développement du film pour toi? Là, dans moi, en fait, j'interviens beaucoup dans le film. J'interviens pas beaucoup. C'est-à-dire, je suis là et c'est comme une invitation. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez présenter la pièce de théâtre, vous allez faire tel. Okay, je suis là, je suis avec eux. Mais une fois, ils m'ont dit, OK, on va. Ils parlent toujours de théâtre, théâtre, théâtre. Ils veulent faire théâtre, ils veulent faire film. Là, il y avait Boujdir qui veut toujours. Pourquoi tu as la caméra, pourquoi tu ne fais pas un film avec moi? Je suis comédien. OK, montre-moi ce que tu peux faire. Et là, il me fait des choses. Et au bout d'un mois, ils ont dit, ah, on va faire une pièce de théâtre. On a une représentation, on a une pièce de théâtre. Et que moi, j'ai jamais vu la pièce de théâtre, mais ils ont dit, et nous, on présente la pièce depuis des années. J'ai dit, OK, c'est bien. Mais quand je suis allé avec eux, je prends la caméra dans les coulisses. Ça veut dire, il n'y a rien qui marche. C'est une pièce ouverte. Il oublie les dialogues. À la dernière minute, ils disent, c'est où le sound? Qu'est-ce qu'on fait? C'est où les chaises? Fais semblant qu'il y a la chaise. Et les papiers, non, c'est pas grave, on va t'amener. Les C'est une papiers. pièce, c'est, en fait, c'est, ils ont juste le concept. On va parler des choses de la révolution. Et pour dire, il a quelque chose qu'il aime, c'est toujours, il fait le rôle de quelqu'un qui est saoul. Et ça, il va le mettre à n'importe quel moment. Des fois, il dit, écoutez, je suis fatigué, je commence par jouer le saoul, après on va à tel. Les autres, ils doivent s'adapter. Et des fois, il oublie, il le met à la fin. Il dit, ah, j'ai oublié de. Et C'est donc. commode. Et dans la pièce, on voit ça dans les coulisses. Et au bout d'un moment, il dit, allez, allez, allez, ne fais pas fais le triste. Et comme ça, on va rentrer vite. Parce qu'il y avait quelqu'un derrière, il dit, on doit fermer la salle. Ils ont dit, OK, il y a 15 minutes, ils ont déjà enlevé. L'autre, il dit, mais on a oublié. Il dit, non, c'est pas grave. Fais le triste, ça veut dire fais le triste. Et c'est, on finit la scène. Mais il n'y a pas Quand de même, public. chacun, il a, en fait. C'est eux qui sont leur propre public. Non, il y a un Il y a public. un Il y public. avait public, Ah disons. bon? Non, au bout d'un moment, il y avait un public qui répète derrière eux. Tu vois, Ah ouais? il y avait quand même des gens qui assistent. Ouais. Mais même le public, il participe. Hein. D'accord, ouais. Et une fois, moi, ça c'est une anecdote. Une fois, Boujdir, il a fait la pièce. Moi, j'étais pas là et on m'a raconté ça. Il a fait le soul. En fait, c'est parce que lui, il est un peu dans ça. Il aime toujours ces personnages un peu saouls dans la vie, tu vois, c'est des personnages qui ont existé dans la vie. Et une fois, il y avait des fondamentalistes, des salafistes qui assistent déjà à la pièce, et lui, il a fait le saoul, et tous, ils se lèvent comme ça, ils disent, ça ne marche pas, comment tu joues déjà, tu joues le saoul alors que c'est prohibi de boire. Et donc, il a eu déjà une fois, il a eu un problème avec eux à cause de ce rôle qu'il a fait. Alors que c'est son. Et déjà, il l'a fait une fois quand il vient, il dit ma copine, il fait comme si. Donc, ça, c'est par exemple, à aucun moment il me parle sérieusement. Tous les moments, il joue. Même quand il a l'impression de pleurer, il joue déjà. Ça veut dire, il joue, hein, c'est un autre. C'est toujours, il sort. Ouais. Il y a toujours des personnages dans sa tête qui veulent jouer. Et dans le film, dans le film, j'aimais tous ces personnages qu'il joue. Et les autres, en fait, c'est la pièce, j'ai filmé la pièce, mais c'était pas vraiment intéressant de ça. De la C'était montrer. intéressant de voir comment la création, comment ils font la création. Alors, bon, On va continuer, mais en même temps, je voudrais aussi que vous cédez, vous donnez aussi la parole. Parce qu'évidemment, cet état d'esprit de ce groupe, enfin des membres de ce groupe, parce que c'est un groupe et en même temps, c'est vraiment des personnes, des individualités qui font groupe et qui font pas groupe, enfin, c'était quelque chose aussi dans le film, ça. J'ai parlé d'impuissance, bon, c'est un peu le cas sur le plan de la pièce elle-même. La forme, la liberté absolue de l'improvisation et de la forme n'est pas, elle n'est pas suffisamment pensée pour donner naissance à quelque chose, hein, c'est ce que je comprends. Et donc, devant ces personnes qui sont motivées, qui sont riches de plein de choses, qui sont assez extraordinaires, et un humour prodigieux qui, je me suis dit que les Algérois n'ont, enfin, ils n'ont rien à envier à l'humour algérois, quoi, qui est célèbre, en tout cas en Algérie. L'humour d'autodérision en même temps que de dérision du pouvoir, de l'institution, etc. Et donc, tu les filmais et tu avais l'idée du film que ça allait donner, ou bien tu filmais, tu parlais, etc. Et comment c'est devenu un film, ce filmage? Comment ça, tu l'as ensuite plus ou moins organisé, ou beaucoup organisé, pour en faire on dit un objet cinématographique, quoi. J'ai commencé une fois, j'ai fini le tournage parce que je ne fais pas visionnage en fait. Je filme, je laisse, je filme, je laisse. Il y avait un moment, j'ai décidé de faire le montage. Et la première version que j'ai fait de montage, c'était un peu, quand on voit le film, on a l'impression que c'est des gens comiques, que c'est pas sérieux du tout. Parce que j'ai mis toutes les choses que j'aime, moi. Tous ces moments avec Boujdir, avec Chef, et ça. Et quand on voit le film, c'est rigolo, mais on a l'impression de voir une pièce de comique. C'est comme si ça. Et là, j'ai dit, ça marche pas. Parce C'est que, les Marx Brothers, quoi, ouais, un peu. ça marche pas, je vais quand même. C'est pas. Ça veut dire, même si ils font tout le temps, ils jouent, mais en même temps, il y a quelque chose de. Grave. Derrière, il y a quelque chose quand même. Ouais. Plus profond, que les gens ne doivent pas prendre le film comme si juste. Ils doivent aussi comprendre un peu pourquoi ces gens-là, c'est quoi le combat, c'est quoi le prix. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit je vais mettre par exemple le père de chef et cette scène de drapeau pour comprendre d'où ça vient, son engagement. Et même s'il veut quitter le pays, il veut pas rester dans un pays que son père il a pris les armes, il a fait tout pour que il reste dans le pays. Et donc c'est alors que c'est pas la même chose pour Boujdir, qui pose même pas la question, il s'en fout. En fait, il est juste là, il pense même pas à sortir, il a pas quelque chose dans la tête, il a pas un but précis, c'est juste il veut faire une pièce de théâtre. Alors que tout le temps il fait théâtre, mais il veut faire une pièce. Donc c'est déjà des personnages qui sont pas. Et moi je voulais montrer aussi ça, qu'il y a un manque d'espace public, qu'il y a un manque de femmes dans la vie des gens, que la société interdit ce genre de relations, que les gens ils sont un peu. Ils sentent quand même qu'il y a derrière, il y a un contexte social et politique qui est un peu lourd. Oui, et ça on le sent effectivement. Donc ça c'est le deuxième montage, ou le, en tout cas. Ça c'est les idées que j'ai sorties après, que j'ai dit que je vais amener le film vers cette direction et ne pas tomber dans le piège de faire que le spectateur il va rigoler juste avec les personnages. C'est pas, c'est aussi il y a d'autres choses que le film il doit dégager. Et non plus moi c'est parce que je le vois pas comme des victimes en fait. Et même eux quand je filme, c'est eux qui m'ont le montage, ça vient aussi de eux. Ça veut dire, à aucun moment ils parlent de situation financière qu'ils ont. C'est des gens qui demandent tout le temps l'État, on a besoin que l'État ait fait tel, on veut voyager, on veut faire tel. Et après, ce n'est pas des gens qui disent on n'a pas l'argent, on n'a pas. C'est des gens qui ont des procès, qui ont un problème avec le pouvoir, qui ont des idées un peu aussi avancées, ils ont des engagements politiques. C'est quand même, ils ont, ça veut dire, j'étais obligé en quelque sorte, de garder cette distance, de ne pas montrer les gens comme des victimes ou bien comme des héros. C'était plus des gens qui vivent dans un contexte et qui essayent de, qui ont doute, mais en même temps, ils essayent de changer les choses. Oui. Mais bon, on va arrêter de faire un pur dialogue Ping-pong. de ping-pong comme ça. Alors, c'est pas ping-pong tout de même, parce que tu as la balle plus souvent que moi. Je veux dire, c'est des. Je reprends le mot de rêve, quoi, qui était le titre dans le titre du film de Baya Benchère, alors qui n'a rien à voir. Tu l'as vu, là. Donc c'est tout à fait différent, c'est un autre projet, etc. Mais tout de même, le rapprochement se fait entre des jeunes de Ben Ayoun, je ne sais pas comment. Bon, de cette ville. Ben Aoun, ah oui, parce que Ben Ayoun, c'est la ville que j'ai vue sur la carte. C'est pas là. Donc entre. C'est. Je veux dire, c'est le même rêve, évidemment. C'est le même rêve, d'abord, qui est d'abord le rêve de la liberté. Mais là, c'est un peu ce qui nous a, peut-être dans le public, un petit peu rendu quelquefois un peu difficile de suivre, parce que cette liberté, c'est leur liberté de parole, d'abord, et c'est ta liberté à toi. Mais c'est effectivement, ça, où ça va, ils sont pas capables, parce que le contexte sans doute salafiste, dominant, imposant, ne permet pas qu'ils s'organisent de manière active, enfin en tout cas, je ne sais pas.